Chapitre 46e, Madame Gordeloup renonce à la diplomatie. Je prie le lecteur de m'accompagner encore une fois dans Mount Street, où le pauvre Archie avait fait ses premiers essais de diplomatie et où Moodle avait été plus récemment emmené comme un prisonnier par l'espionne russe. Sophie Gordeloup était seule, assise devant son bureau, griffonnant avec une ardeur inaccoutumée, écrivant des correspondances sur la politique étrangère, sans doute à plusieurs cours de l'Europe, mais surtout à la cour de Russie qui payait ses services. Pendant qu'elle était à cette besogne, elle entendit un bruit de pas sur l'escalier. Son oreille exercée devinait aussitôt quel était le visiteur qui arrivait. C'était un homme avec qui la diplomatie servait de peu et qui n'avait pas de billet de banque dans ses gants. « Ah, Edouard, c'est vous. Je suis bien aise de vous voir, » dit-elle au comte Patarov qui entrait dans la pièce. « Oui, c'est moi. J'ai reçu hier votre billet. Vous êtes bien bon, vous l'avez toujours été. » Tout en parlant, Sophie continua d'écrire rapidement sa lettre, si rapidement que sa main semblait courir sur le papier. Puis elle jeta sa plume et plia la feuille sur laquelle elle venait d'écrire. « Voilà qui est fait, » dit-elle. « Maintenant, nous pouvons causer. Je me suis presque usé les doigts à écrire ce matin. » Son frère sourit, mais selon son habitude, ne lui adressa pas la moindre question au sujet de sa correspondance. « Ainsi, lui dit-il, vous partez pour Saint-Pétersbourg ?»« Mais oui. Pourquoi resterais-je ici à jeter l'argent par les fenêtres ?» Son frère sourit de nouveau, car il ne l'avait jamais vu faire de folles dépenses. « Ici, dit-elle, j'ai tout à perdre et rien à gagner. »« Oui, je connais mes affaires. Si je restais ici, je serais bientôt forcé d'aller dans ce noir édifice, » dit-elle en montrant le workhouse. « Et ce n'est pas vous qui viendriez m'en tirer. »« Vous êtes trop habile, Sophie. » Pour n'arriver jamais là, répondit le comte en souriant. Il faut bien qu'une femme soit habile, ou sinon elle meurt de faim. Je serais déjà morte dans ce maudit pays si je n'avais été habile. Ces Anglais ne sont que des imbéciles et des brutes. Je les déteste, eux et leur pays. Voyez un peu cette rue. Bien que nous soyons en été, la vue m'en donne le frisson. Quelle affreuse nation! Ils ont du bon, pourtant. Ils ont de l'argent. C'est vrai, ils ont de l'argent. Et telle est leur sottise qu'on peut leur escamoter sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais de leur propre mouvement, ils ne vous donneront rien. Vous êtes dans ce pays depuis assez longtemps pour le connaître. Oui, depuis trop longtemps même. J'ai perdu ici des années entières. Et qu'est-ce que j'y ai gagné? Je suis revenu en Angleterre à cause de cette femme qui m'a maintenant jeté à l'eau. La faute en est à vous. Oui, à vous. Et c'est pour me dire cela que vous m'avez fait venir? Non, Edouard. Je vous ai fait venir pour voir une dernière fois mon frère. » Elle prononça ces mots, les bras appuyés sur la table et le regardant fixement avec de larmes à demi formées dans ses yeux. Soit insensibilité, soit qu'Édouard connut les talents histrioniques de sa sœur, il ne répondit aucunement à ce touchant appel. « Vous comptez revenir bientôt ? » lui dit-il. « Jamais, jamais je ne reviendrai dans ce maudit pays. La boue de ces rues ne salira plus mes pieds. Je m'en vais pour toujours. » Je suis revenu à cause de Julie, et Dieu sait comment elle m'a traité, et vous aussi, comment elle vous a traité. Ne vous occupez pas de moi, mais je veux m'en occuper. Si vous m'aviez seulement laissé mener cette affaire, toute sa fortune serait à vous. Pourquoi êtes-vous venu dans cette île maudite? Ne parlons pas de cela, Sophie. C'était ma manière à moi de mener mon jeu. Oui, mais vous avez gâté le mien. Cela vous est bien égal. Après tout ce que j'ai fait et subi, ne rien recueillir, et cela par votre faute. Ah, c'est là ce qu'il y a de plus dur, et quand je préparais vos succès. Vous préparez toujours mes succès, à vous en croire. Occupez-vous un peu moins de moi. Mais, encore une fois, vous êtes cause de ma ruine. Ce voyage m'a ruiné, et ce n'est pas vous qui m'aiderez à avoir d'elle un seul shilling pour couvrir mes dépenses. Non, assurément, vous êtes assez habile pour y réussir sans mon aide. Et voilà tout ce que je puis attendre d'un frère, c'est bien. Julie, maintenant, est libre de faire ce qu'elle voudra. Elle a un cousin, l'imbécile qu'il est, à qui elle aurait volontiers tout donné. Mon Dieu, oui, tout! Et des deux mains, s'il eût voulu prendre. Mais non. Il préfère épouser une petite brune qui n'a pas le sou. J'en suis écœuré quand je vois de pareilles choses. Sophie n'avait aucune sympathie pour Harry Clavering, mais il lui faisait peine de le voir manquer la chance qui s'offrait à lui, et souffrait comme souffre un bon joueur, assis derrière quelqu'un qui perd la partie avec tous les atouts dans sa main. « Harry Clavering peut bien épouser le diable, si cela lui plaît, » reprit le comte. « Cela m'est bien égal. » mais vous savez qu'elle est dans un endroit qui s'appelle Tenby. Ne voulez-vous pas y aller? Cela ne peut faire aucun mal. Non, je ne veux pas y aller. Dans un an, elle aura un autre mari. Qu'est-ce que cela me fait? Mais écoutez-moi bien, Sophie. Si je devais jamais songer à rechercher la main de Lady Ongar, je ne vous le dirais pas. Et pourquoi non pas à moi, votre sœur? Parce que ça ne servirait de rien. Sans vous, elle serait ma femme à présent. Ce que je vous dis là est la vérité. Je ne prétends pas vous faire de reproches. Chacun de nous jouait son jeu et le vôtre n'était pas le mien. Vous partez maintenant et je puis faire mes affaires tout seul. Sophie écoutait en silence et le regardait fixement. Eh bien, faites-les tout seul, dit-elle enfin. Et vous allez me donner quelque chose pour mon voyage? Pas un sou. Pas un sou. Pas même la moitié d'un sou. Que vous partiez ou que vous restiez, cela sera la même chose. Eh bien, je resterai. Et je suivrai l'avis de l'avoué. Il me dit que si je lui intente un procès, il faudra qu'elle me paye ce que j'ai dépensé à Florence. Je ne veux pas vous laisser tout cela pour vous. Elle a 175 000 francs de rente et je n'en toucherai pas un sou. Dites-moi un peu, si jamais vous devenez le maître de cette fortune, ferez-vous quelque chose pour votre sœur? Rien du tout, Sophie, absolument rien. Eh bien, je reste et j'attendrai mon procès. Tout le monde en entendra parler. Ah, vous croyez que j'ai peur de dépenser mon argent? Je dépenserai jusqu'à mon dernier sou et je serai vengé. Comme vous voudrez, cela m'est égal. Maintenant, je vous demande la permission de me retirer. Et il se leva. Cela vous est égal, dites-vous? Tout à fait. Eh bien, je resterai. Elle entendra prononcer mon nom tous les jours de sa vie, à toute heure. Oh, Édouard! Elle fit entendre ce dernier appel quand son frère fut sur le seuil de la porte et prêt de disparaître. Qu'avez-vous encore à dire, ma sœur? Édouard, que ne donnerais-je pas pour voir toutes ces richesses entre vos mains? Ça a toujours été mon vœu le plus cher. Édouard, vous êtes un ingrat. Et cachant sa tête dans l'angle du canapé, elle se mit à verser d'abondantes larmes. Cette comédie était sans doute peine perdue devant son frère, mais en tant que comédie, c'était bien réussi. Si vous allez réellement à Pétersbourg, je vous dis adieu. Sinon, au revoir. Je m'en vais très réellement. Je ne puis plus supporter ce pays, j'en ai le cœur navré. Je m'en vais lundi, ou de lundi en 8. Adieu, mon frère, adieu. » Elle lui mit les bras sur les épaules et offrit son front pour qu'il l'embrassât. Il se prêta à cette formalité et allait se retirer quand elle le retint en le tenant par bras. « Édouard, vous ne pourriez pas me prêter 20 louis jusqu'à ce que je sois arrivé à Pétersbourg? Non, Sophie, non, je ne prête jamais d'argent, je m'en suis fait une règle. » Ne pouvez-vous pas m'en donner 5? Je suis si pauvre, je n'ai presque rien. Allons donc. Votre situation n'est pas si mauvaise que cela. Ah si, elle est très mauvaise. Qu'ai-je gagné depuis que je suis dans cette ville maudite? Rien, absolument rien. Il est affreux d'être si pauvre. Voyons, donnez-moi 5 louis, mon frère. Elle le tenait encore par le bras et le regardait avec des yeux pleins de larmes. Lui ne put s'empêcher de sourire et, prenant sa bourse dans sa poche, il lui donna 5 livres sterling. « Rien que cela, » dit-elle, « rien que cela. »« 1000 remerciements, mon cher frère. » Puis elle l'embrassa de nouveau et il se retira. Elle l'accompagna jusqu'au haut de l'escalier, appelant toutes les bénédictions du ciel sur sa tête. Quand on eut fermé la porte derrière lui, elle ouvrit un petit tiroir dans son bureau et, prenant un rouleau de pièces d'or, y ajouta les 5 livres de son frère. Cela faisait exactement 25. Elle recompta le tout 12 fois, puis l'enveloppa dans du papier et cacheta le rouleau avec de la cire à ses 2 extrémités. « Ah, » dit-elle, « il n'y a que cela de bon en Angleterre. » Il y avait dans son tiroir plusieurs rouleaux de ce genre, 10 ou 12. Elle les prit l'un après l'autre, les maniant avec amour, inspectant les cachets de chacun, les pesant dans sa main pour s'assurer que rien n'y manquait, et les plaçant l'un à côté de l'autre pour vérifier s'ils avaient bien la même hauteur. Le trésor que possédait Sophie était le butin qu'elle avait ramassé pendant son dernier séjour dans le maudit pays qu'elle allait quitter. Mais avant de partir, elle voulait faire une dernière tentative sur cette mine d'or qu'elle avait espéré exploiter à son profit. Elle avait su que Lady Ongar était allée à Clavering, et ce fut là qu'elle lui envoyait une lettre qu'elle avait faite aussi pressante et aussi pathétique que possible. Elle lui annonçait son intention de quitter l'Angleterre, protestait une fois de plus de son attachement pour elle et de sa complète innocence dans le désagréable incident qui s'était produit dans l'île de Wight, puis elle continuait en ces termes. « Je quitte l'Angleterre, où il faut être riche comme ma Julie, pour pouvoir boire et manger. Je n'y étais retenu que pour ma Julie. Pour elle seule, j'ai laissé mes petites affaires en désordre. C'était un hiver, et Dieu sait quel hiver. Mes pauvres os tremblent, encore comme des épreuves terribles auxquelles les ont mis les vents affreux de ce pays. Maintenant, voici l'automne. Depuis 10 mois, je suis ici, et j'y ai puisé mes faibles ressources. Oh, Julie, vous qui êtes si riche, vous ne vous doutez guère de l'indigence de votre Sophie. Un avoué anglais m'a dit qu'il m'était dû de l'argent pour mes débours et mes peines. Il m'a offert de m'avancer la somme pour intenter un procès, mais je m'y suis refusé. Non, jamais Sophie ne fera de procès à sa Julie. Mais elle espère que celle-ci voudra bien se rappeler les sacrifices qu'elle a faits et la misère où elle se trouve. Sophie se voit réduite à mendier parce qu'elle a trop aimé sa Julie. Pour vous, qui êtes si riche, que sont 200 ou 300 livres? Vous ne vous en apercevriez pas. Voulez-vous que j'aille vous voir? Un mot seulement et j'accours. Je ne vous parlerai pas d'argent. Je me contenterai de déposer un baiser sur le front de ma Julie et d'appeler toutes les bénédictions du ciel sur sa tête. Tout à vous, Sophie. Lady Ongar fut assez embarrassée en recevant cette lettre. Elle était bien décidée sur un point, c'est qu'elle ne voulait plus revoir sa dévouée Sophie. Elle savait aussi que cette femme n'avait droit à rien et avait déjà reçu beaucoup d'argent. Elle savait aussi qu'elle aurait eu déjà recours à la justice si elle avait eu la moindre chance d'obtenir ce qu'elle demandait. Sans doute, elle avait conté à quelque avoué cette affreuse histoire qui s'était passée à Florence et avait traîné le nom de Julie dans la boue. Lui envoyer de l'argent, c'était l'encourager à en demander davantage, la provoquer à de nouvelles menaces. Cette considération décida Lady Ongar, qui écrivait à Sophie les lignes suivantes. Lady Ongar présente ses compliments à Madame Gordeloup et se voit obligée de refuser toute entrevue après ce qui s'est passé. Elle regrette d'apprendre que Madame Gordeloup est dans le besoin. Elle aurait pu lui offrir quelques secours sans l'allusion faite par Madame Gordeloup à un procès. Si Madame Gordeloup a des droits à faire valoir déclarés validés par un avoué, Lady Ongar lui recommande fortement de s'adresser aux tribunaux. Lady Ongar, après avoir envoyé cette lettre à la poste, pleura presque de sa propre cruauté et se demanda si elle avait bien fait d'agir ainsi. Sa lettre déchira le cœur de Sophie. Se voir appeler Madame Gordeloup par cette comtesse avec qui elle avait été sur le pied de l'intimité lui paraissait la chose la plus cruelle dans toute cette affaire. Elle ne fut pas longtemps, du reste, à comprendre qu'elle avait compromis sa cause par la menace qu'elle avait faite à Julie. Les affaires sont les affaires, et chez Sophie, elle passait avant les sentiments. Aussi, après quelques larmes versées sur la dureté de Lady Ongar, se mit-elle à réparer la bévue qu'elle avait faite. Pourquoi avait fait-elle allusion à cet avoué et parlé de procédure légale? Mais ces Anglais ont la tête si dure. Un Français, un Polonais, un Russe n'eussent pas attaché à cette insinuation plus d'importance qu'elle n'en avait. Mais ces Anglais sont des butors. Ces réflexions faites, elle se mit à rédiger le billet suivant. Cher ami, votre froideur me tue. Peut-être l'ai-je mérité. Si j'ai parlé de droits légaux, j'ai eu tort. Il n'y en a pas. L'avoué dont j'ai parlé n'y connaît rien. C'est mon frère qui s'est adressé à lui. Oh, ma chère amie, ne vous fâchez pas contre votre pauvre servante. Je ne vous écris pas pour vous demander de l'argent. Je vous demande une parole bonne et affectueuse pour votre Sophie avant qu'elle ne s'en aille pour toujours. Oh, Julie, oh, mon ange, je me jetterais à vos pieds pour les embrasser si j'étais auprès de vous. À vous, jusqu'à la mort, dussiez-vous continuer de vous montrer aussi dur pour moi. Sophie. Lady Ongar ne fit pas de réponse directe et se contenta d'envoyer à moi son banquier, le priant de faire remettre 100 livres à Madame Gordeloup. Elle lui expliqua que c'était un cadeau tout gratuit, en récompense de certains services rendus à Lord Ongar pendant sa maladie. Sophie prit des deux mains la somme qu'on lui offrait et ne songea nullement à formuler de nouvelles demandes. 4 jours après, une petite femme, avec un grand carton à la main, montait avec difficulté d'un bateau de la Tamise à bord d'un steamer en partance pour Boulogne. À sa suite, grimpa un petit homme plein d'activité, qui répondit par un refus péremptoire au batelier qui réclamait un pourboire. Il avait lui aussi un carton à la main, lequel appartenait sans doute à la petite femme. Puis ce petit homme, s'avançant vers l'employé qui tenait les comptes du bateau, paya de son argent 2 places pour Paris. Ce petit homme ressemblait des pieds à la tête à notre ancien ami, le capitaine Boodle, du Warwickshire.